On a parlé à David Simard, qui est notre analyste de patinage de vitesse sur Côte-à-Piste pour nos athlètes de la région. Là, maintenant, on va parler avec celle qui a été, ça a été la grande surprise au cours de la fin de semaine, c'est Maude Tremblay de Debout-Mesnil. Question de savoir un peu comment qu'elle a vécu ça, c'est quoi ses attentes. Salut Maude! Allô? Maude, félicitations pour ta performance. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Est-ce que tu t'en attendais? Certainement, pas tellement. Pas se faire un top 10 là, avec ma 9e position, là, vraiment pas, je dirais. OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte? Parce que je parlais avec David Simard, David qui disait: Ah, ben écoute, elle s'est entraînée plus fort, elle a peut-être changé sa manière de s'entraîner. Comment t'expliques ça, une 9e position? Je pourrais dire que c'est sûr que j'étais quand même, on pourrait dire, assidue à mes vraiment à mes pratiques. J'allais à toutes mes pratiques. C'est sûr que la semaine avant la compétition, je m'en mangeais pour quand même bien manger, prendre beaucoup de sommeil, puis j'étais préparée, puis j'étais en forme, là. OK. Est-ce que dans l'ensemble, parce que là, on a parlé du cumulatif en fin de semaine, c'est où est-ce que tu as performé le mieux? En fait, je dirais là que j'ai fini tout le temps genre en 9e position, sauf hier, je pense que j'ai fini 9e. OK. 9e au 1000 mètres, là, mais sinon, là, j'ai tout le temps fait des 9e positions, fait qu'à mon classement final, j'ai fini 9e aussi. OK. Donc, c'est pas nécessairement la victoire comme la régularité, là. Ouais, c'est ça. OK. Comment tu vois ça? Parce que là, tu t'en vas avec aux essais nationaux en janvier. Patiner avec les Marianne, les Cassandra Bradette, Marie-Ève Drolet, il y en a plusieurs également. Comment tu vois ça? Tu t'en vas là pour prendre de l'expérience, quoi? Oui, je dirais vraiment, là, je vais être une probablement des plus jeunes avec une autre fille de Montréal, là. Puis, okay. Je pense que je vais vraiment prendre ça comme de l'expérience, là, parce que c'est sûr que c'est des grandes patineuses, puis bien, on va essayer des affaires, puis on va prendre de l'expérience, là. OK. Là, si je comprends bien également, ça t'a permis aussi d'aller au junior, c'est ça, de classer au junior canadien, cette performance-là? Ils prenaient les 26 ou 27 premières juniors, puis si on compte pas les seniors, je pense que je suis 5e, fait que ça me permet d'aller à Calgary en décembre pour faire le championnat canadien junior. OK. Puis là, j'imagine que ça va être un petit peu plus fort, ça va être, mais j'imagine que là, les attentes sont plus relevées, là. Je dirais peut-être, oui. C'est sûr qu'il va avoir pas mal les mêmes filles qu'il était là en fin de semaine, mais il va en avoir deux, trois qu'il n'était pas là, il était déjà préqualifié, puis c'est ça. OK. Si on parlait de ta force, c'est qu'est-ce que tu aimes le mieux, le 500 mètres, le 1000 mètres, le 1500 mètres, c'est quoi ce que tu aimes le mieux, là? Moi, je trouve que ça dépend, là. Ça fait comme dépendre des jours. Mais disons que j'aime quand même bien le 1000 mètres, là. Okay. C'est comme semi-vite puis semi-lent. Ben, semi-lent, c'est un grand mot, là, mais tu sais, c'est comme à moitié long, là. OK. Mais, ouais, je dirais le 1000 mètres, je l'aime bien. OK. Sur quoi qu'est-ce que t'aimes le moins? C'est 1500 ou 500? Des fois, c'est le 1500, parce que des 1500 mètres, c'est rough, puis c'est long, puis la moitié du temps, pour faire des classements, il faut des 1500 mètres, fait que là, c'est là qu'on essaie de faire le plus de bon temps possible. OK. Mais le 1000 mètres, c'est vraiment ça qui est vraiment, c'est là-dessus que tu entends peut-être te spécialiser au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Oui, peut-être, oui. Okay. Ou peut-être davantage améliorer mes différentes stratégies, même au 1000 mètres pour 1500 mètres. OK. À Calgary, ça va être quoi tes rivales les plus sérieux? Tes rivaux, c'est-à-dire? Mes rivales les plus... c'est une bonne question. Je dirais peut-être les filles qui patinent peut-être à Montréal ou ce que en fin de semaine que j'ai battu, peut-être les rebattre à Calgary en décembre. OK. Ben, certainement que ça doit te motiver pas mal. J'imagine que le fait d'avoir causé une petite surprise en fin de semaine, ça doit te donner beaucoup d'énergie et beaucoup de drive pour le restant de l'année. Maud, on va se reparler à ton retour de Calgary. Parfait. Maud Tremblay de Debout-Mesnil qui a été la belle surprise au cours du week-end à Ville-Saint-Denis.